La chèvre du Tibet. Les poils de cette chèvre, et même ceux d'or pour qui prit tant de peine Jason, ne valent rien au prix des cheveux dont je suis épris.